Liza Minnelli, Cabaret Bob Fosse, 1972, un film mythique et une chanson mythique, une comédie musicale aussi mythique. On va commencer dans le vif du sujet avec une première bande-annonce, un film qui est sorti en 2015, réalisé par Noémie Saglio et Maxime Govaré. C'est le film Toute Première Fois avec Pio Marmaille et Franck Gastambide. Et on va continuer en chanson, il n'y a pas de raison. On va donc entendre la bande-annonce du film et puis juste après, la chanson I Kissed a Girl. Et c'est M qui chantait la chanson. Tu cherches ta culotte ? Oui. C'est dans la cuisine. Par contre, le pull à contre ton bite, c'est à moi. Je m'appelle Jérémy Després, j'ai 34 ans, et cette nuit, pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'amour avec une femme. Matt, le bolide. T'as jamais eu envie de sortir avec autre chose que les mannequins et cervelés ? Je me suis permis de répondre à une certaine Katinka. Katinka, tu lui as dit quoi ? De se trouver un prénom qui fasse moins pute. Elle est folle ou pas, elle ? Elle a un fait pour toi. Voilà. Samedi soir, j'ai couché avec une femme. Con. La dernière fois, je suis parti un peu vite. Du coup, je voulais m'excuser. Ah d'accord, ta femme était pas trop fâchée. Non, mais moi, c'est moi, j'ai pas de femme. C'est quand elle me regarde avec ses yeux, il y a tout qui part en vrille. Mais je vais pas faire ça, Antoine. On a décidé de se marier. Ça remet en cause toute ma vie. Mais moi aussi, mon vieux, c'est pas du tout mon style, Clémence. Prends tes tickets resto, j'avais ta âge. C'est comme si toute ta vie, t'avais été fan de l'OM, et puis un jour, tu te rends compte que tu préfères le PSG, quoi. Antoine, t'es le seul homme qu'il y a dans ma vie. T'es au courant que t'es en train de faire absolument n'importe quoi, là? J'ai rencontré quelqu'un. Attendez, la suite est gratinée, hein. C'est qui, ce connard, là? C'est une femme. Mais t'es pédé, mon chéri. Ce que j'avais prévu, ni mon intention. Si courageux quand j'ai trop bu, je perds ma discrétion. Non, vraiment pas l'habitude, juste envie d'essayer. C'est comme une certitude. Pourquoi toujours faire attention? En 2008, Olivier Marchal offrait un rôle très sombre à Daniel Auteuil pour le film Mer 73. On vient d'entendre un extrait de la musique qui était signée Bruno Coulet. On va revenir en 2015, on est très 2015 aujourd'hui, avec un film de Christian Carion, avec Auguste Dill, Olivier Gourmet et Mathilde Seigné, En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est un film qui se passe en mai 1940, un film français donc, et qui a la particularité d'avoir la musique signée par un grand, un énorme monsieur de la musique de film, puisqu'il s'agit d'Ennio Morricone. On va entendre la bande-annonce de En mai, fais ce qu'il te plaît. Et puis juste après, on écoutera le morceau Tous ensemble, extrait de la musique de En mai, fais ce qu'il te plaît. Les Allemands sont aux portes d'Arras depuis tôt ce matin. Nous devons nous rendre à Dieppe. Nous allons provisoirement abandonner nos champs et nos maisons. Qu'est-ce que je fais du petit? Alors qu'il est le père du petit doit être mort sous les bombardements. Il faut vous promener avec vous jusqu'à Dieppe. Mon papa va venir me chercher. Il me l'a promis. Il nous reste des vivres pour encore 2 ou 3 jours seulement. Nous ne savons pas sur quoi on pourra compter dans les villages que nous traverserons. Mon papa, nous avons fait halte ici pour nous reposer. Je t'embrasse bien fort, Max. Pour cette soirée un peu particulière, Monsieur le maire a décidé d'offrir un verre à tout le monde. My entire company died today. I've lost 143 men since the 10th of May. Always beaten back, but always with great courage. Jamais j'aurais dû vous emmener sur les routes et vous faire vivre tout ça. Alors qu'on nous annonce un cinquième volet des aventures d'Indiana Jones pour les années à venir, là c'était le troisième. En 1989, Steven Spielberg réunissait Harrison Ford et Sean Connery dans Indiana Jones et la dernière croisade. C'était la musique de Indiana Jones, revisitée pour la dernière croisade, The Crusader's March. C'était signé bien sûr John Williams. En 1978, débutait une fructueuse collaboration qui allait durer sur plusieurs films entre Georges Lautner et Jean-Paul Belmondo. C'était Flic ou Voyou, où le personnage de Bebel, flamboyant et rigolo Bebel, donnait toute sa mesure. Flic ou Voyou, donc, où on retrouvait aussi Michel Galabru, Marie Laforêt, Michel Perlon et toute la bande de Jean-Paul Belmondo. À Nice, suite à l'assassinat de son confrère, le commissaire Grimaud décide de faire appel à un inspecteur de la police des polices, Stanislas Borowitz, qui découvre au travers de son enquête que l'affaire inclut la mafia niçoise, mais aussi des policiers ripoux. Afin de les confondre, Stanislas va alors infiltrer la bande de malfrats, mais rapidement démasqué, sa fille Charlotte se fait enlever. Il décide alors d'employer la manière forte pour la retrouver. Avant d'écouter la musique de Flic ou Voyou qui était signée Philippe Sard, je vous emmène en reportage sur le tournage de Flic ou Voyou où l'on va entendre Georges Lautner et Jean-Paul Belmondo parler du film. C'est pas du tout dans ce plan, pardon. Bon, alors dégagez, ça va. Le scénario de ce nouveau film de Georges Lautner peut se résumer de la manière suivante. Une ville du sud de la France entre Marseille et Monaco. Deux bandes rivales se partagent l'empire des jeux, des casinos, de la drogue et de la prostitution. La police locale est gangrénée par le milieu, les avocats sont marrons. Pour démasquer ces truands qui ont pignon sur rue, il sera fait appel à un policier bandit, un policier hors la loi, un flic qui opère avec des méthodes de voyou, un flic ou un voyou. Et cet homme, dans ce nouveau film de Lautner, c'est Jean-Paul Belmondo. Allez pas vous la faire piquer, mon brave. Tout ce qui est là, c'est à moi. C'est à votre cash. Et sans facture. C'est la première fois que vous tournez avec Georges Lautner. Avec Lautner, oui, c'est la première fois. J'avais vu pratiquement tous ses films. Et mon amie Marielle avait tourné avec lui la valise. Alors je l'avais un petit peu connu là. Et je trouve qu'il a, en dehors de son talent de technicien et de metteur en scène, il aime beaucoup les acteurs, ce qui est une denrées assez rares de nos jours, parce qu'on tombe dans une espèce de terreur dans l'intellectualisme où on voudrait que les acteurs ne fassent plus rien, que les acteurs deviennent des ombres. Et ça, je crois que c'est une erreur, parce que le spectateur, je crois, lui, aime bien les acteurs. Il a envie de voir des personnages vivre sur un écran brillamment. Et donc Lautner est un des rares qui reste en France qui aime bien les acteurs encore. En tournant avec Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, est-ce que la signature de Georges Lautner ne disparaît pas un peu aux yeux du public au générique? Ça n'a pour moi aucune importance. Alors vraiment, on ne fait pas des films pour signer un générique aux yeux du public, on fait des films pour que les gens aillent le voir. Dans la mesure où je suis épaulé par des vedettes comme Delon et Belmondo, j'ai plus d'atouts dans mon jeu, j'aurai sans doute plus de spectateurs qui iraient voir mes films, et j'ai tout à y gagner. Et puis en plus, je vous assure, c'est une responsabilité un peu moins grande que de partager enfin ce lourd fardeau avec une vedette. Quand vous êtes épaulé par un acteur comme Jean-Paul Belmondo, vos préoccupations sont complètement différentes. D'abord parce que on spécule sur le fait que les spectateurs viendront voir le film, on vous donne plus de moyens pour le faire. Ayant plus de moyens pour le faire, vous avez plus de chances de réussir, plus de chances de faire du spectacle, donc vous avez plus d'atouts dans votre jeu. Sur un tournage, est-ce que vous cherchez à mettre votre patte dans les scènes, dans la conception du film? Oui, je pense qu'effectivement, un acteur n'est pas, comme on a un peu tendance souvent à le dire, n'est qu'un pion. Souvent on dit ça, je lis souvent dans des articles, on dit ah, on le met là, on le fait ça. Je crois pas, l'acteur apporte énormément, aussi bien je pense aussi à l'écriture. L'acteur est quand même consulté, et dans sa conception du jeu, il apporte énormément. Parce que si on est un acteur, disons vraiment, on interprète le rôle. Le rôle, ça veut dire quoi? C'est de l'amener aussi à soi, parce que les gens qui... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, vous direz. Mais quand on dit souvent il faut disparaître derrière le rôle, je pense que ça ne veut rien dire. Si vous jouez demain les fourberies de Scapin, de Molière, il n'y a pas une manière de jouer, il y en a 10. Donc je crois qu'un film, quand vous l'attaquez, bon, je vais jouer ce film, un autre acteur pourrait le jouer aussi d'une autre manière. Si vous voulez, souvent on vous dira après, ah ben il fait du Belmondo ou il fait du... Mais enfin, je vois pas pourquoi je ferais du De Funès. Merci. Flic ou voyou, un sujet d'actualité, un sujet explosif, appelé à faire un boom à sa sortie. Bonjour. Charmant, monsieur. De la nuit du 12 au 13. Évidemment, si vous aviez une créance à présenter. Mais est-ce valable ? Absolument. Mais restez dans la main. Attention, il y a des arrêts de mort dans l'air. Va peut-être nous offrir un verre. Oh, vous n'y pensez pas, mademoiselle, à l'heure qu'il est. À vous dire à monsieur Achille qu'elles ont très bon genre. C'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. L'ennui ? Permettez ? Oui. Vous laissez votre voiture ? Ce n'est pas ma voiture. Je vous répète que ce n'est pas ma voiture. À quoi jouez-vous ? Aux gendarmes et aux voleurs. Je joue une mi-temps dans chaque camp. Antoine Cerruti, au nom de la loi, je vous arrête. machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swing me baby, rendez-vous. My girl, bad in the bill. Tout ton corps, comme la boue. Au verbe sage et rendez-vous. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Singapour. Je leur dis comment j'ai des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot. Gondolé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée. Swinguer comme une triplette de Belleville. On écoute tous les cinémas dans Toiles et Sillons. À l'instant, nous étions en 2003 avec le dessin animé de Sylvain Chaumet, Les Triplettes de Belleville. Dessin animé récompensé internationalement et la musique était signée de Benoît Charret. Dans un tout autre genre, je vous emmène maintenant en 1949 avec un film mythique de Carol Reed qui avait dans sa distribution Orson Welles, Joseph Cotten et Alida Valli. Il s'agit du Troisième Homme. Vous connaissez peut-être le film, mais vous connaissez sûrement la musique. On va écouter la bande-annonce en version originale du film et puis après le thème universellement connu du Troisième Homme signé Anton Karas. Is Mr. Martins engaged on a new book? Yes. It's a murder story. It's based on fact. It's called The Third Man. Heard of Harry Lime? Best friend I ever had. So you're going to find me the real criminal. Sounds like one of your stories. You're wrong about Harry. You're wrong about everything. You never should have gone to the police, you know. Come out, whoever you are.

Vous travaillez aussi à la blanchisserie Glass House? Je suis née dans ce quartier. J'ai commencé à mi-temps quand j'avais 7 ans. Et puis je suis passée à plein temps à 12 ans. Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts? Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains. Tout le monde s'en tape, ma jolie. Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord? Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire. Tu es une femme mariée, tu es ma femme. C'est ça ton rôle, tu dois rester à ta place. Eh bien, je n'accepte plus cette idée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Le droit de vote pour les femmes! Nous allons frapper au cœur des communications. Mon travail est de faire respecter la loi. Je m'en fiche, on m'a pas demandé mon avis sur cette loi. Punissez les responsables, par n'importe quel moyen. Non, non. On vous mettra hors d'état de nuire. En faisant quoi? Vous comptez toutes nous enfermer? On est dans toutes les maisons, on est la moitié de l'humanité, vous ne nous arrêterez pas toutes. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois. Thank you. Un film assez atypique dans la carrière de John Borman, puisque c'est un polar pur et dur sorti en 1968, Le Point de Non-Retour, avec Lee Marvin et Angie Dickinson. C'était un extrait de la bande originale du film, signé Johnny Mandel. Et nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. N'oubliez pas, d'ici là, le site internet toilesetsillons.fr pour retrouver toutes les émissions à écouter en direct sur le site, à télécharger, ou bien vous pouvez vous abonner au podcast pour les recevoir directement chaque semaine et n'en manquer aucune. Et il y a également la page Facebook de l'émission, la page Toiles et Sillons, pour tout savoir des films que l'on écoute. On se quitte avec un western spaghetti sorti en 1968, un film de Tonino Valeri avec Lee Van Cleef et Giuliano Gemma, deux grosses vedettes du western spaghetti séparément. Ils jouaient pour la première fois ensemble dans le même film, Le Dernier Jour de la Colère. On se quitte avec Le Dernier Jour de la Colère, je vais essayer en Italie, tiens, Il Giorni dell'Ira. La musique était signée du grand Riz Ortolani. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut. The Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive le cinéma !